Oui, lecture archéologique et cartographique du parc de Saint-Germain. Alors, je vous dois tout de suite une excuse pour vous qui êtes attentifs à l'archéologie et aux belles découvertes de belles structures bourrées de matériel. Je vais être un peu indigent parce que ce que l'on m'a demandé de faire est plutôt un suivi de travaux, mais telle est ainsi la recherche. Et il ne faut pas négliger de la faire, puisque là, nous avons quelquefois la chance de prendre les choses en amont. Alors déjà, oui, merci à Annick de m'avoir présenté, mais déjà, laissez-moi évoquer un souvenir de petit Parisien, Saint-Germain-en-Laye. C'était la promenade, une fois par an, des petits Parisiens qui voulaient prendre l'air. Et nous arrivions par le train de Saint-Germain, la première ligne de chemin de fer ouverte en France, sur lequel mon père était tradissère, et nous arrivions sur cette incroyable promenade qui dominait la vallée de la Seine. On voyait l'immense panorama de Paris, des coteaux d'Orgemont jusqu'à l'aqueduc de Marly, avec le mont Valérien en face et la tour Eiffel lointaine. Et d'un seul coup, sortant de notre étroit panorama parisien des vieilles rues de Paris, Saint-Germain-en-Laye était l'horizon. Et donc, je place ma conférence sous le signe de l'horizon, parce que c'est quelque chose qu'il a fallu reconquérir. Évidemment, notre promenade s'accompagnait à chaque fois de la visite assidue du musée national, du musée des Antiquités nationales, dont nous ne prononcions pas le mot réduit et que nous avions plaisir à dire en entier. Alors, voyons voir l'instrument qui fait avancer. Il ne faut pas se tromper de sens. Voilà. Non, c'est bon, ça marche. Eh bien, tout a commencé par une tempête. La tempête de 1999. Celle que vous connaissez bien à Versailles et qui a aussi sévi à Saint-Germain-en-Laye. Une partie des arbres était tombée dans le petit parc et il fallait tout repenser. Et la nécessité de tout repenser, la nécessité d'avoir ce gros bulldozer atmosphérique venant tout balayer, était l'occasion inespérée de tout remettre à blanc. C'est que ce petit parc, je n'avais pas de photographie avant, je suis désolé, mais vous l'avez connu avant 99. Et d'année en année, mes promenades à Saint-Germain-en-Laye s'étaient éloignées, parce que je ne retrouvais pas le Saint-Germain-en-Laye de mon enfance. C'était davantage d'arbres serrés. Le petit parc était quelque chose de très serré, très étouffant, très noir. Et surtout, la perspective sur Paris était d'année en année oblitérée par une végétation étant de plus en plus grande. Alors là, je vais rendre hommage tout de suite à un monsieur qui est à la retraite maintenant, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, vous le verrez en photographie à la fin, qui était l'administrateur du domaine de Saint-Germain-en-Laye. Non pas le château, mais le domaine, le parc. C'est M. Vessière-Pomeau qui m'a expliqué, qui était à la retraite maintenant, et qui m'a expliqué que lorsqu'il a pris ses fonctions, lui-même aussi, il a été frappé par cette situation et qu'il avait envie de retrouver le paysage. Alors, ça a été un travail long, long, auquel il faut rendre hommage, et je le ferai encore tout à l'heure. Mais en même temps, comme tout était cassé dans le parc, eh bien, avec l'aide de l'architecte en chef Jacques Moulin, vieille connaissance aussi, il a fallu tout repenser. Donc voilà, Saint-Germain-en-Laye, c'est ça d'abord. Vous connaissez tous cette admirable perspective en direction justement de Marly et de Versailles au fond, avec la vigne du Pecq replantée récemment, la petite terrasse. La grande terrasse est derrière nous. Là, nous sommes sur le grand rond, que l'on nomme aujourd'hui le rond du Rosarium, et vous avez en briques rouges l'unique vestige du château neuf, dont on va dire un mot, et plus qu'un mot aujourd'hui, le pavillon, connu autrefois sous le nom de l'Oratoire du Roi, et le pavillon appelé aujourd'hui pavillon d'Henri IV. Tout de suite, regardons quelque chose, le mur de terrasse bien restauré, et la jolie balustrade qui m'a tellement enchanté étant gamin. Cette balustrade ne date que de Napoléon III. Qui avait-il avant? Rien. Rien. Et ça, c'est déjà, quand j'ai découvert ça a été quand Vessière-Pomeau m'a expliqué ça, Ça a été déjà une découverte. Bah oui, mais non, les gens ne tombent pas autrefois. C'est comme les berges de la Seine. On ne tombe pas dans l'eau, quoi. Donc il y a un bord, on s'arrête. Donc il n'y avait rien. On voit péniblement sur certaines illustrations du 19e siècle, on voit des barrières en bois apparaître, mais ce n'est pas ce qu'on a sur les représentations anciennes. L'objet de la fouille, c'est derrière à droite. Alors, tout ça a pris place dans une histoire très longue. Et en gros, la prescription telle qu'elle a été faite, et puis les discussions avec Jacques Moulin sur place et Vessière Pommeau, on dit bah, on a un truc compliqué, il faut comprendre. Il faut essayer de comprendre la place de tout ça là-dedans. Donc il y avait à la fois l'histoire de la terrasse, l'histoire du parterre de la Dauphine, etc. Donc je vais articuler ça en deux morceaux. Vous allez avoir les bribes, les éléments que nous avons reconstitués. Et puis après, ça sera fini par un film, mais ce sont des images fixes que je vais vous faire défiler, qui vont vous montrer l'évolution spatiale de l'endroit. Au premier temps, vous avez le château vieux. Bah, le château unique, le château de Saint-Germain-en-Laye, celui de briques et pierres que nous connaissons bien. Alors là, je renvoie aux travaux d'Anne Vatan, qui autrefois a fouillé le château. C'est le meilleur spécialiste que moi. Un premier domaine connu autant de Louis VI le Gros. Le château royal de Saint-Louis, avec la grosse tour de le donjon, un peu comme à Fontainebleau d'ailleurs. Et puis là, la chapelle, au demeurant, la chapelle de Fontainebleau, de Saint-Germain-en-Laye, extrêmement mal datée. Si on ne fait que des datations par critères stylistiques, on n'arrive à rien. Et là aussi, il y a une relecture technologique considérable à faire. Je laisse ça pour d'autres fois. Les travaux de remaniement par Charles V, bien étudiés aussi récemment. Et c'est intéressant parce que finalement, Saint-Germain, je le sais, c'est une sorte de double de Fontainebleau. C'est un Fontainebleau bis avec la forêt autour, mais plus près de Paris. C'est tout. Voilà. Tout commence réellement avec l'intervention de François Ier, dont on connaît bien le souvenir de ses travaux, ce bizarre plan bizarrement fait, dont du cerceau dont nous venons de parler tout à l'heure avec Sébastien Ronceret pour Fontainebleau. Du cerceau, dans son texte, nomme ça la sauvage quadrature. J'aime bien pour dire que ce château carré est tout de travers. J'aime beaucoup le terme. Donc on connaît bien 1539-1548, Martin Chambige, le célèbre, la famille des Chambiges, Guillaume Guillain, très connu aussi comme maître des œuvres du roi, Jean Langlois, un peu moins connu, etc. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, du cerceau tel qu'il nous montre les choses. La vue cavalière, le plan. Donc vous reconnaissez le château vieux, la sauvage quadrature, des tas de petits jardins en damier, à la mode médiévale, la basse-cour, et puis la forêt devant, le coteau. Et à droite, vous avez eh bien, le fameux château neuf, le château d'Henri II. Et avec une terrasse, un jeu de terrasse qui, non, même pas, une petite terrasse qui surplombe le bord de la Seine. Remarquez tout de suite comment c'est très curieusement construit. Là, autant le château de François Ier est irrégulier, autant le château d'Henri II est régulier. Et avec cette espèce d'étonnante composition qui n'apparaît au total aussi complète que sur le plan du cerceau. Donc là encore, comme pour Fontainebleau, on peut se poser la question de ce qui a été exactement construit. Mais cet ensemble très curieux, vous voyez d'ailleurs sur la vue à vol d'oiseau, l'ensemble très curieux, très flé n'est pas figuré. Cet ensemble de salles, c'est un ensemble de salles en rez-de-chaussée autour d'une cour que les contemporains appelaient le théâtre. Donc ça se présente comme une annexe du château vieux. Donc voilà, le château neuf, donc c'est cette domaine, pour résumer, Henri II fait construire par Philibert Delorme, dont le marché a été signé le 11 février 1557, donc, un château plus à l'est dont on a compris, en regardant la situation, que en fait, les gens ont envie de sortir de cette espèce d'étonnant, cette étonnante quadrature sauvage du vieux château. Finalement, l'agrément de Saint-Germain-en-Laye, vieux château, ce sont ces terrasses. C'est les terrasses sur lesquelles la cour montait pour dominer le panorama. Mais il y a un moment, les gens, ils ont envie de passer à autre chose. Et c'est ce que Henri II a dû demander à Philibert Delorme. Faites-moi un château, mais au bord, au rebord de la vallée de la Seine. Et ça, c'est le parti pris que tout le monde a suivi après, parce que tout le monde s'est rendu compte que le bel endroit, c'était là qu'il fallait être. Alors, un ensemble de pièces bas, je vous l'ai dit, ce que le contemporain appelle le théâtre. Ça a été construit du temps d'Henri II par Philibert Delorme, mais vous voyez, 1557, c'est tardif dans le règne d'Henri II. Continué, on ne sait pas trop exactement. Je n'ai pas trop cherché à fouiller là-dessus, sur l'histoire de ce château fort intéressant, du temps d'Henri III. Voilà, ben bon, une belle bête, 60 mètres sur 90 mètres. Mais tel qu'il a été construit, ça reste une annexe du château vieux. Le château neuf a été continué par Henri IV. Mais à ce moment-là, je vous le mets, c'est un château achevé, et à ce moment-là, le château a eu réellement son existence propre. Une demeure à part, ayant son fonctionnement propre, à part du château vieux. Deux entités distinctes. Donc qu'est-ce qu'a construit Henri IV ? Des ailes neuves autour du théâtre, de la partie la plus ancienne, et puis surtout il fit construire cet étonnant jeu de terrasses descendant jusqu'à la Seine. Alors, c'est bien connu, vous connaissez ça, il y a les rampes qui existent encore, on monte en placement où il y avait les grottes, alors pas la peine de faire le portrait d'Henri IV, c'est le coquin que vous connaissez, quand il amenait tout le monde, la cour et les visiteurs étrangers, il faisait visiter sa belle villa, et comme c'était un personnage aimant l'humour un peu fort, il y avait la grotte où il y avait les fontaines, et puis il animait lui-même les robinets pour engendrer des petits jets d'eau et des espèces de petits pissous dans tous les sens qui arrosaient le plus spécialement les dames, ce qui le faisait rire beaucoup. Bon, ça c'est bien connu. C'est bien connu, mais ce qui est intéressant, c'est que cet ensemble, par sa situation, par les rampes, est étagé le long de la Seine. Voilà, Sylvestre, Israël Sylvestre, nous en donne un plan plus tardif que le règne d'Henri IV, vers 1660, mais en gros, c'est encore le château d'Henri IV. Vous reconnaissez le théâtre, la partie centrale, un petit peu amoindrie par rapport à du cerceau, mais en gros, les bâtiments ont été faits. Une aile au nord, une aile au sud. Et puis, devant ce qui avait déjà été construit, une série ininterrompue de parterres, plus ou moins horizontaux, plus ou moins obliques, descendant jusqu'au port du Pec. Donc, véritablement, le plan est exactement orienté nord-sud-est-ouest, quelque chose qui regarde le soleil levant. Et c'est l'important, je suis très sensible dans l'étude architecturale et archéologique des choses, au jeu de l'orientation, la marche du soleil au travers des saisons. Qu'est-ce que voient les gens? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? Et là, vous avez impeccablement la démonstration. Franchement, c'est bien gentil, la quadrature sauvage, mais on a envie d'habiter autre chose. On veut un château baigné de lumière le matin. Seulement, regardez un détail, un détail structural. Dans la structure, dans la composition de l'ensemble, vous faites comment pour aller d'un point à un autre? Vous avez des rampes, des escaliers. Clairement, vous ne faites qu'aller à pied. Il n'y a pas de place pour un carrosse attelé, pour une voiture, même pas de place pour un cavalier. C'est un château de gens à pied. Et ça, c'est étonnant. Donc, d'une certaine manière, on a envie de dire, bah oui, il y a son existence propre, mais ça reste quand même une annexe du château ancien. Mais c'est très intéressant d'essayer de comprendre. Finalement, c'est le château et son double. Et la vue sur la Seine est concentrée uniquement dans le jeu des parterres. Et vers la forêt, au nord, au sud, il y a le village, il y a le Pec et Saint-Germain. Au nord, en direction de Ménil-le-Roi, de Carrières-sur-Seine, vous voyez, on n'arrive même pas à distinguer ou à peine où est le coteau, on ne sait pas trop. Ce n'est pas ce qui importe les gens de ce moment. Tout commence avec notre ami André Le Nôtre, bien sûr, comme aux Tuileries. Toujours le même. Et le nôtre, c'est là qu'on comprend, à Saint-Germain, c'est là qu'on comprend le génie de l'aménagement de ce personnage, qui reste vraiment quelqu'un d'attachant et de passionnant. Et la terrasse, on a tout dit de la grande terrasse. avec la flexion au milieu, sur plus proche du château d'œuf, le grand rond, et puis la perspective là, vers la grille du Val. Regardez, tous les conférenciers ont dit ça. Regardez, ce n'est pas horizontal, il y a le pli aux deux tiers au milieu, le pli n'est pas au milieu, on a l'impression que la perspective est trompée, etc. etc. Ça, c'est bien, ça, c'est archi connu. Seulement, la chose qu'on a oubliée, c'est que la construction de la petite terrasse et du rond répond à un souci, je dirais presque automobilistique, c'est il faut venir en voiture, et en voiture hypomobile. Comment fait-on pour venir au château? Et justement, c'est tout le jeu, c'est amener la circulation des véhicules jusqu'à l'oratoire du roi. Voilà, vous avez le plan un petit peu postérieur, le plan de 1684, qui montre ce qui a été entrepris par le nôtre. Alors, excusez-moi, les plans sont tels qu'on me les a donnés au moment du rapport. Donc vous avez le château vieux, un morceau du château neuf avec le théâtre ici, et le pavillon du roi qui existe encore. Donc là, le nôtre, la perspective du camp des loges. Devant, un diverticule sur le côté, le fameux grand rond, la grande terrasse, elle, c'est pour se promener, on l'oublie. Mais là, on tourne dans la petite terrasse et on arrive contre l'aile nord du château d'Henri IV, dont vous percevez qu'on a commencé à ouvrir, à casser l'une des ailes, et pour y mettre une grille. Ce qui signifie clairement que les voitures arrivant par ici tournaient là, dans le grand rond, et venaient stationner au pied du château neuf, immédiatement à pied d'œuvre. Et ça, c'est visiblement, c'était une grande nouveauté. Ce que ce plan nous indique, c'est qu'il y a des choses qu'on va essayer de comprendre. Il y a des bassins figurés en bleu, donc en principe avec de l'eau. Un parterre immense au milieu qui a d'abord pris le nom de parterre de la Dauphine, avec des massifs, alors de l'eau, une belle couleur bleue. Là, des choses qu'on ne comprend pas bien. Ça a l'air d'être plutôt des parterres fleuris. Sur d'autres plans, c'est en bleu. Donc on sent qu'il y a une hésitation. Et surtout, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui va changer avec les plans que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez le mur de terrasse que je vous ai montré tout à l'heure en photo, qui est encore celui que nous voyons. Là, les vestiges des premiers parterres. Et le second mur de terrasse, celui que j'ai fouillé et dégagé, qui est ici. Alors déjà, vous avez une espèce de seconde allée qui figure ici, qui délimite le parterre de la Dauphine au sud, avec un passage. Je n'ai pas vu l'original du dessin, mais on a l'impression qu'il s'agit de marches. Ce n'est pas très clair. Mais on a compris, en regardant avec les autres plans, qu'on a d'abord un premier état dans lequel le mur est continu et que l'on perce ensuite ce passage-là. Donc la chose qui domine en premier, c'est la circulation par ici. Donc la petite terrasse, je viens de vous la montrer, une allée de 228 mètres de long et large de 26, ça ne change pas au travers des temps. La petite terrasse qui domine le coteau, à l'ouest le petit mur, le petit parc, donc je vais vous le montrer en photographie. Et ce qu'on a découvert en fouille, c'est que ce qui n'était indiqué sur aucun des plans, c'est que nous avons découvert des bornes chasse-roues, qui ont visiblement, moi qui me paraissent s'ajouter plus tardivement, et qui visiblement montrent qu'il fallait protéger les gens à pied des voitures attelées. Et puis, 18e et 19e siècle, il y a eu beaucoup de modifications sur lesquelles nous allons revenir. Voilà ce que j'ai connu dans mon enfance, ce que vous avez tous connu. À droite, vous avez la petite terrasse qui domine la Seine. À gauche, ce qui restait du parterre de la Dauphine, devenu entre-temps le Boulingrin, est devenu un immense parterre boisé, avec à la jonction des deux ce talus en biais. Et Jacques Moulin et Vessière Pommeau, regardant les anciens plans, ont acquis la certitude, et regardant les gravures anciennes, alors je m'excuse, je ne vous ai pas mis de gravure ancienne, mais ce que j'avais était tellement moche, en mauvaise photocopie, que j'ai jugé indigne de vous les montrer. Et donc le projet était le suivant, et bien voilà, on va tout redégager, on va redégager le mur. Donc c'est là que le service régional de l'archéologie a prescrit. Donc c'est un chantier qui a pris du temps, la prescription remonte à 2003, et j'ai dû faire ce chantier sur la fin, le décembre 2006, janvier 2007. Au petit passage, on parlait tout à l'heure de photographie, vous remarquerez que toutes les photographies sont des photographies, des diapositives argentiques que j'ai numérisées ensuite. Là, nous sommes au grand, une grande rupture historique. C'est le moment où Marc Viré est passé du monde de l'argentique et du dessin à la main au monde du numérique. C'est une grande révolution. Donc voilà, le Boulingrin. On m'a demandé aussi de fouiller le fameux parterre de la Dauphine que je viens de vous montrer et qui, sur les textes, dans les textes plus récents, au moment où disparaissent les broderies, est appelé le Boulingrin. Voilà. Alors, je vous ai remis parce que Boulingrin est un mot anglais. Bowling Green. Voilà. L'endroit où on joue aux boules. Donc, Boulingrin se prononce à la française exactement comme iceberg est devenu iceberg et comme puzzle est devenu puzzle. Respectons notre langue. Le Boulingrin, pour jouer aux boules, bah oui, il ne faut pas que les boules aillent rouler à l'extérieur, donc en principe, le rebord est légèrement surélevé. Alors, c'est ce que m'a demandé Jacques Moulin. Guimarc essaye de nous retrouver le bord en pente, que je sache où est le bon niveau. Ça n'a pas été facile. Alors, arrive là-dessus, en mettant le nez dans les textes, je retrouve quelque chose, parce que on demandait, mais les massifs, Jacques Moulin me demandait, mais les massifs en eau sur le plan, là, essayent de me trouver le fond, essayent de me trouver des alimentations. Donc on a mené une tranchée jusqu'à un de ces bassins, et là, on n'a rien trouvé. Mais rien. Pas de couche de glaise de préparation, rien. Rien, comme les belles couches de glaise des Tuileries, non, rien, rien du tout. Rien. Une petite bordurette, c'est tout. Visiblement, le truc n'a jamais existé. Eh bien, on en trouve la clé. Francine, donc c'est le fils, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est le fils de Thomas Francini, l'homme des fontaines d'Henri IV, celui qui a construit la butte d'Arcueil à Paris. Donc les Francines sont quatre à se suivre jusqu'à la Révolution. Donc, intendant des eaux et forêts, alors c'est vrai. Quand vous tombez ça dans le texte, ça fait mourir de rire. Proteste. Alors là, c'est le nôtre qui prend une claque, là. Trois coups de compas firent trois grands bassins qui furent en même temps construits sans savoir où l'on prendrait du fond pour les nourrir. C'est-à-dire, monsieur l'architecte me dessine des bassins, mais je n'ai pas la réserve en eau pour amener de l'eau. En gros, poliment, monsieur le nôtre se fout de la gueule des fontainiers. Effectivement, Saint-Germain-en-Laye est un coin sans flotte, sans eau. C'est sec. Et depuis le Moyen-Âge, le problème de Saint-Germain, c'est l'eau. Alors on a l'aqueduc qui vient plus loin du désert de Retz, il y a tout ça, mais ça ne va pas. Les pentes ne sont pas assez fortes, ça ne mène pas de l'eau jusqu'à Saint-Germain. Et donc c'est vraiment le problème. Et effectivement, eh bien, quand on regarde Perel et les autres, mes chers dessinateurs, eh bien, bah oui, les frères Perel, c'est comme aux Tuileries. Il nous dessine, regardez, des jets d'eau magnifiques, dignes de Versailles ou de Marly, pour lequel on sait qu'il y avait de la pression d'eau. Mais là, à Saint-Germain, où voulez-vous qu'il trouve une telle pression pour envoyer de l'eau à 4 mètres de haut, comme ça? C'est du rêve. Comme quoi, dessiner, c'est tromper. Mais c'est passionnant, parce que pour la suite de ce qu'on disait à midi, moi, je suis un grand amateur, personnellement, de la gravure du XVIIe siècle. Un grand amateur et collectionneur. Et je m'intéresse énormément à la comparaison entre œuvre gravée et œuvre dessinée, quand on a la chance d'avoir les deux. Parce que la gravure, c'est bien. Et ça, c'est le média vers le public. Il faut avoir recours à l'œuvre dessinée pour comprendre, lorsqu'on les a. Et souvent, c'est très différent. Et puis après, ce que mes collègues ont déjà dit ce matin sur l'intention de représenter les choses telles qu'elles devraient être. Voilà, vous en avez l'explication une fois de plus. Voilà, la fouille et les recherches. Voilà, c'est un travail mené pendant le chantier. En accompagnement, on met le responsable d'opération. Donc j'entends encore Jacques Moulin, que je connais bien depuis différents chantiers, m'apercevant sur le chantier. « Ah, je suis rassuré que ça soit toi. Je pensais que ça serait un tel. » Mais non, Jacques, je vais quand même te malmener un peu. Alors voilà, bon, on a dégagé notre mur à la pelleteuse, on a fait ça couche par couche, en faisant attention au remblai quand même. Et puis, ben voilà, vous trouvez ce grand mur qui est très mince, très bas vers le sud et qui s'élève en hauteur à mesure que l'on va vers le nord, et avec cette chose très curieuse, avec des bornes capables qu'on n'avait pas prévues. Alors, la première, on a un peu buté dessus, et la deuxième, on a fait attention. Et, alors, vous voyez, les bornes, comme elles dépassaient le remblai mis au XIXe siècle, on les a consciencieusement cassées pour que la pelouse puisse les recouvrir. Et à mesure que l'on va vers le nord, eh bien, les bornes ont été de mieux en mieux conservées. C'est joli, hein, joli, joli, jolie chose. Et malheureusement, ma prescription était telle que j'étais prié de m'arrêter au niveau à atteindre. Donc je n'ai pas pu faire. Je n'avais pas les moyens techniques de faire le sondage au pied, parce que j'aurais bien aimé, vous comprenez bien, connaissant ma spécialité, j'aurais bien aimé aller regarder ce que ce mur avait à dire en fondation, en technique de construction. Bon, ça, je restais assez limité quand même là-dessus. Voilà, alors, on a fait les coupes. Donc voilà, vous avez la série de coupes. Plus on va vers le nord, plus c'est haut, mieux c'est conservé. Solidement parmenté en pierre de taille, je devrais préciser des carreaux, puisque les choses ont un mot. Carreau, en architecture, c'est une pierre de taille carrée avec une face, un lit de pose, un lit d'attente et une queue. Voilà, c'est la pierre de taille naturelle, c'est ça. Et carreau, parce que généralement, un homme seul peut la transporter, voire deux personnes. Et on arrive au bout, donc à l'arrière, les choses, excusez-moi, j'ai un petit mot sur l'arrière. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas du moellon, c'est du libage. C'est-à-dire que par libage, vous entendez les pierres que l'on a préparées à la taille, qui ont un lit de pose, un lit d'attente, et une face rectangulaire, ou à peu près, même si elle est très moche, pouvant faire office de parement. Ça s'appelle un libage. Ce n'est pas du moellon. Le moellon, c'est la pierre vilaine, taillée n'importe comment, qu'on met au milieu du mur. Quand vous avez les bordereaux de prix, un chariot de libage coûte deux chariots de moellon. Donc, il y a un nom pour ça, employons-le. Alors sur le rond-point, ça devenait très beau, l'angle du rond-point avec ses magnifiques pots à fleurs, pots à feu dessus, donc qui étaient entièrement cachés. Les escaliers étaient rampants auparavant, donc on a tout dégagé, tout retrouvé. Alors, avec une petite surprise, excusez-moi, la petite surprise, c'est l'escalier qui est ici, lui, est bien porté sur tous les plans depuis le XVIIe siècle, XVIIIe, il est bien d'origine, tandis que celui-ci a été ajouté au XIXe siècle. Vous voyez, alors que la pelouse en biais existait déjà, on avait une vilaine fondation en meulière, mal plaquée contre le mur. Donc, alors, c'est un peu la surprise pour Jacques Moulin. Il dit, comment allons-nous faire? Je lui dis, comment vas-tu faire? Oh, ben, on va faire un ragréage, ça passera. Oui, effectivement, ça suffit bien comme ça. Mais vous voyez, ce qui nous paraissait au premier coup d'œil très ancien, ben, ne l'est pas ici, ça s'est ajouté. Un petit coup de chapeau pour les gens du XIXe siècle, qui ont fait aussi bien travailler qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe de l'autre côté. Non. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà, donc l'angle nord qui a été ajouté. Donc là, vous voyez à nouveau, en tournant un peu la tête, la perspective jusqu'au château neuf. Notez au passage la qualité de la dernière borne, voyez. Là, le travail sur le mur d'angle, eh bien, ces très grandes pierres de taille, ce ne sont plus des carreaux. Ça porte un terme aussi, ce sont des quartiers. Pour les très grandes pierres de taille, on appelle ça un quartier, tout simplement parce que vous en prenez quatre et vous faites une voie de pierre. Une voie de pierre, c'est un voyage. Voilà, excusez-moi, mais c'est des termes très techniques et que vous voyez apparaître dans les textes, et à nous de savoir les utiliser. La surprise était constituée par, derrière, c'est l'escalier le plus ancien, sur le grand rond. Et bien sûr, le grand rond, c'était, on ne savait pas trop sur les plans comment ça allait se présenter, on s'attendait à ça. Le grand rond se terminait en carré. Voilà, c'est qu'il y avait un problème, vous allez comprendre, sur les plans. Il n'avait pas su résoudre la quadrature du cercle. Et donc, il s'en était tiré par une sorte de pirouette en faisant ce mur qui est simplement en libage réglé sur le côté. Donc, il n'y a pas un mur joli, mais fait pour être vu. Néanmoins, regardez dans l'image en haut à droite, vous voyez, tout était enterré, il y avait des arbres. Regardez, il y a un arbre qui a poussé, et regardez avec quelle puissance la racine a soulevé l'ensemble du quartier qui est au-dessus et le vase qui est au-dessus. Un ensemble que je regarde vers Hugues de Baselaire dans la salle doit bien peser sa tonne. Ça coûte 1,5 tonne, je pense. C'est quand même la puissance d'un réseau de racines sur un monument, c'est extraordinaire. Aux dernières nouvelles, j'ai pas, la dernière fois que je suis passé voir, je n'ai pas eu le sentiment que la chose ait été réparée. Mais voilà, plus au sud, mon sondage 6, là nous sommes collés au mur de clôture qui est à côté du pavillon Henri IV, et nous regardons vers le nord. Donc là, je n'ai pas pu ouvrir totalement, parce qu'il y a quand même la circulation de l'intérieur du parc qu'il fallait que je respecte. Et donc bah, j'ai ouvert l'endroit et j'ai retrouvé très exactement la continuation du mur, du mur de terrasse, sans qu'il y ait d'interruption pour le passage, ce qui montrait bien que nous avons un tout premier état où le mur est continu. Et là, en regardant bah, ce mur se terminer, tel que vous voyez à droite, sur la limite de l'hôtel, l'hôtel Henri IV qui occupe cette partie du château neuf, eh bien, il suffisait de tourner derrière pour voir. Et derrière, pour voir, qu'est-ce que l'on trouve ? Eh bien, la suite du mur complet, avec son cordon en haut. Donc, on regarde ça. J'emmène Jacques Poulain, qui n'avait pas dû regarder. Il lui dit, bah, tu l'as, ton mur. Regarde, il suffit que tu refasses ça. Alors, en mettant sur la coupe, là, vous avez le bout du cordon tel qu'il est figuré ici. Et là, la partie que j'ai retrouvée en fouille, le mur est interrompu. Donc, vous voyez qu'il ne manque plus que bah, l'assise. Travailler en cordon avec le cavé en quart de rond en dessous. Ah, mais je dis, t'as une belle restauration à faire, là. Et, ah oui, tu te rends compte. Tu te rends compte, Marc, le linéaire de mur qu'il va falloir que je fasse. On ne va jamais pouvoir financer ça. Et aux dernières nouvelles, la restauration est pour très. C'est juste un petit couchis en ciment. Bon, c'est un peu minimaliste. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons appris d'autre ? Voilà, donc il m'a fallu aller rechercher le Boulingrin ou le parterre de la Dauphine. Donc là, l'espèce de grand stade de foot que vous avez au milieu, c'est le petit parc entièrement abattu après la tempête de 89. Et c'est donc tel que c'était au 18e. Et tout le monde content, ben voilà, il faut retrouver cette esthétique. Très bien. Donc j'ai mené ma tranchée, j'ai commencé à lever la coupe stratigraphique. Et puis voilà que dans la nuit, nouvelle tempête. J'ai arrivé au petit matin à 8h, par exemple, c'est dans le matin, tempête, une tempête d'ouest, des trompes d'eau. J'ai retrouvé ma tranchée complètement inondée, telle que vous la voyez à droite, avec la coupe stratigraphique s'effondrant à moitié dedans. Bon, tous ceux d'entre nous qui ont fait du terrain connaissent exactement ça. Et là, je n'avais pas de drain en dessous, rien du tout, hein, par contre. Hein. Saint-Germain-en-Laye, c'est sec, mais là, ça restait bien... Ça restait bien mouillé. Donc, excusez la qualité de ma coupe stratigraphique, mais clairement, on a regardé ça avec Jacques Poulain et Vessière Pomeau d'un air désolé. Non, mais il faudra recommencer. Hein. C'est un travail qu'il faut refaire. C'est une recherche qu'il faut recommencer, clairement. Donc voilà, néanmoins, ce que j'ai pu obtenir, les pieds dans l'eau avec de la boue dans les chaussettes, voilà, avec l'échelle 10 fois plus différente hein, pour les hauteurs par rapport aux longueurs. Et donc, j'ai retrouvé un niveau... J'ai essayé de comprendre là-dedans que, visiblement, on devait avoir le parterre de la Dauphine. J'ai supposé que le parterre de la Dauphine pouvait être le sol D. Mais alors, vous voyez, à chaque fois, on était empêché par les trous de plantation des arbres. C'est exactement comme aux Tuileries, parce que l'alignement n'a pas changé. Donc, même si on remonte le niveau du sol, les plantations d'arbres sont au même endroit. Et donc, ben, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas lire les coupes. Il m'a semblé qu'ici, dans le sol B, il m'a semblé voir qu'on avait entre le sol C, qui là était apparemment continu, et le sol B, il m'a semblé voir qu'il y avait cette pente. On a pas mal hésité. Il ne s'agit pas d'un trou de creusement d'arbre. Il s'agit bien de la pente. Il s'agit bien de la pente du Boulingrin. Donc voilà. Et on en est resté là. Et voilà, avec une proposition un peu vasouillarde pour l'évolution des choses. Mais ça, voilà. Finalement, en résumé, qu'est-ce que ça nous apporte ? Et ben voilà. Pour terminer, je vous propose cette petite lecture en film cartographique. Le travail a été fait par mon collègue Philippe Lénart, géomètre et topographe, qui a tout calé les plans, après avoir fait les plans, levé les plans, vous avez toutes les couleurs, a tout calé sur CIGE, les plans les uns après les autres. Là, ça commence par la photo aérienne. Donc vous avez, apparaît en rouge, le château vieux, les morceaux du château neuf qu'on a topographié, le pavillon d'Henri IV, la fouille, la drôle de zone au carré et les axes principaux en jaune. Et ça, c'est l'ancien parterre, le milieu, les arbres qui venaient d'être abattus. Donc voilà. 1576, le plan du cerceau. Il n'y a rien. 1666, le plan d'Israël Sylvestre. Pas clairement, mais d'après les décalages, un petit bout de la petite terrasse, si on tient compte des décalages de plan, mais pas très clair. Pas très clair à voir, visiblement, c'était reconstruit après. 1669, clairement, le nôtre est passé par là, le grand rond, la première terrasse. Voilà. Et vous voyez qu'il subsiste encore à l'emplacement du parterre de la Dauphine, les dispositions précédentes que vous aviez vues sur le plan d'Israël Sylvestre. Notez au passage le château d'Henri IV. Voilà, 1684, donc l'un des premiers plans avec le parterre de la Dauphine. Celui-là indique tout en vert. Donc visiblement, il n'y a plus d'eau dedans. Et vous voyez, donc c'est là. On a gommé l'état antérieur. 1696, là, à nouveau, ils veulent absolument mettre de l'eau. Hein. Ils ont figuré de l'eau, mais on sait qu'il n'y a pas d'eau dans les parterres. C'est à peu près le même dispositif. Vous voyez par rapport à l'échelon précédent, que là, on a la petite allée et qui apparaît. Donc le mur a été assez rapidement coupé ici pour faire cette petite allée. La destruction, visiblement, est assez ancienne. 1700, peu de changement. 1702, on reste à peu près, on a toujours le parterre de la Dauphine qui vieillit tranquillement. Et là, on passe d'un seul coup à 1768. Le parterre de la Dauphine a disparu. Vous avez le boulingrin. Donc on a simplifié. C'est probablement à ce moment-là qu'on a le boulingrin avec son bord en biais. Et vous remarquez au passage qu'on a fini de démolir complètement l'aile, entre le passage entre l'oratoire du roi et le vestige du château d'Henri IV. Un plan de 1771 avec le grand rond. 1775, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, il y a toujours les vestiges. Vous avez toujours, ça ne change pas beaucoup, à part quelques allées nouvelles dans le château neuf, mais la grande masse des bâtiments survit. Encore. 1777, là, c'est le projet du comte d'Artois, quand le comte d'Artois projette de tout casser pour faire un château neuf. Projet non exécuté. 1809, on passe sous le Premier Empire. Donc, sous le Premier Empire, vous avez une nouvelle avenue qui est apparue, qui est ici en travers, mais il n'y a plus le château. Il n'y a plus le château neuf, mais vous avez toujours le château d'Henri IV. 1822, on a toujours un grand détail technique. Alors là, j'attire votre attention sur le vestige, ici, qui n'apparaissait pas sur les plans avant, mais tiens, il y a un bout du château neuf. Et ce bout du château neuf, il existe toujours. Il est dans le terrain de l'hôtel Henri IV qui se trouve là. Ça fait un énorme massif. On était regardé de ça avec le patron de l'hôtel. Et là, je dis ça au représentant du service régional de l'archéologie. Mais vous avez les vestiges du château neuf d'Henri II et d'Henri IV qui existent encore. Voilà, 1845, le chemin de fer apparaît. Vous avez la tranchée du chemin de fer après qu'il eût été prolongé du Pec jusqu'à Saint-Germain. 1845, un plan qui simplifie beaucoup les choses, qui nous intéresse moins. Et là, 1852, le parterre, quasiment tel qu'on l'a connu, mais vous voyez, sur un autre type de plantation. 1872, voilà, ça c'est l'exemple qui a le parterre tel qu'il a existé jusqu'à la tempête de 99. Vous notez au passage que 1872, le château neuf d'Henri IV existe toujours. 1936, c'est le parc avant la tempête, là on n'a pas le détail. Et ça, le plan de géomètre actuel. À quel moment a disparu le morceau du château neuf? Bien, il a disparu, semble-t-il, vers au début des années 50, j'ai l'impression. Il y a encore les caves. Mais il a disparu avec une régularité de métronome. C'est-à-dire, étant donné que tous les enduits avaient été refaits et que le vestige qui en reste présente comme une baraque pas terrible recouverte de plâtre, eh bien, tout le monde a dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc on casse. On casse allègrement, on casse le vestige du château d'Henri IV. Bon, vous allez dire, Marc Viré, vous faites le grincheux. Il y a plein d'autres endroits où ça s'est produit. Regardez là, l'aile où nous sommes. Elle avait aussi des dispositions, des dispositifs à l'intérieur. Bon, dommage. Mais d'où on aime un peu le patrimoine. Voilà. Alors, ça, c'était le plan de géomètre pour terminer. Un petit coup de chapeau à M. Vessière-Pommeau, dont les contemporains ont dit beaucoup de mal, en particulier mon vieil ami Patrick Perrin. Tout ça sont des gens qui ne s'entendent pas. Moi, je suis désolé, je ne marche pas dans ces relations-là. Vessière-Pommeau m'a très bien accueilli sur ce chantier et m'a surtout expliqué ce qu'il a eu à faire, ce que vous voyez derrière. La reconquête, ce travail ingrat de parcelle par parcelle, il a mis 10 ans pour y arriver, de reconquête de l'espace pour tondre les arbres et faire que nous retrouvions le panorama sur Paris. Donc c'est un petit coup de remerciement parce que j'ai retrouvé le Paris de mon enfance. En vous remerciant.